Chapitre 9e. Comme tu es triste, mon Tonio. Oui, mamita, je suis triste à en mourir, répond Jean de Fer, auquel sa nourrice m'a donné son nom d'enfant. Le fait est, dit Joey, que toi, le joyeux compagnon, le Poutentrain dont le rire clair débridait les museaux les plus lugubres, tu as une mine à porter le diable en terre. Le jeune homme vient de raconter sa vie si tourmentée, qui se confond parfois avec celle de son frère de lait, jusqu'au moment où tous les deux quittèrent l'hacienda. Il reprend avec effort. Je ne vous ai pas dit la fin. Le dernier mot. L'ignoble soufflet appliqué sur la mémoire de mon père par Don Blas. L'homme dont l'existence m'est sacrée, puisqu'il est le père de celle qui sera l'unique amour de ma vie. Ah, je soupçonne ce qu'il a pu te dire, s'écrie avec violence l'Indienne. C'est encore l'infâme calomnie qui a empoisonné les derniers jours de ton malheureux père. Cette chose monstrueuse et imbécile qu'il allait enfin réduire à néant quand il est tombé sous la balle de l'assassin. Il avait les preuves, n'est-ce pas? Oui, elles existent. Où sont-elles? Hélas, je l'ignore, mon enfant. Oh, ne pouvoir confondre cet orgueil à Sendero, lui jeter son mensonge à la figure, l'écraser sous le poids de cette vérité qu'il a si cruellement offensée. Mais patience. Un mot seulement, petite mère chérie. Dis, mon enfant, sais-tu le nom du bandit qui a tué mon père? Oui, Andrés Romero, un neveu du président Juarez. Pourquoi? Pour le voler. Ce misérable périra de ma main. Il est mort. Oh, d'une façon affreuse. Torturé par les Indiens du Bolson. Tu dis, Romero, Andrés, voyons, Andrés, comme l'homme qui a ravagé la hacienda. L'assassin a laissé un fils, un gredin, comme lui et qui porte le même prénom. Il doit avoir à peu près ton âge. On l'a vu jadis dans une hacienda, peut-être celle de Don Blas. Enfin, il est connu dans la région où il a commis toutes sortes de brigandages. C'est lui, je le devine. Je le sens. L'homme de l'embuscade, de l'incendie et du massacre. Ah, celui-là du moins ne m'échappera pas. Mais revenons à mon père. Dis-moi ce que tu sais, tout ce que tu sais. Surtout, n'oublie aucun détail. Je ne dois rien ignorer pour rechercher et trouver cette vérité, que je veux crier haut et ferme à ceux qui ont jeté l'opprobre sur le nom, sans tache de Valdès. Ce sera le but de ma vie. J'emploierai pour l'atteindre toutes mes forces, toute mon énergie. Et je ne te quitterai pas, moi, dit résolument Joey. Merci, frère. Nous nous sommes vus à l'œuvre, à nous deux, nous valons une armée. À nous deux, nous triompherons des obstacles, des hommes, des choses, de l'impossible et de la mort elle-même. Maintenant, parle, petite mère. Il me faut commencer loin, très loin, pour que tu saches les liens qui m'attachent à toi et aux tiens. Et puis, je serai si heureux de remonter avec toi, ne fût-ce qu'un moment, le cours de ces chers souvenirs. Quand les Français débarquèrent au Mexique, ta mère accompagnait ton père qui était officier dans le corps expéditionnaire. Dès son arrivée, elle me prit à son service, mais dans la bonté de son cœur, elle fit de moi plutôt une amie qu'une servante. Ignorant, en bonne française, l'affreux préjugé de race, elle m'éleva bien au-dessus de mon humble condition. Elle m'instruisit, m'apprit sa langue, m'aima. Inutile de te dire, n'est-ce pas, mon cher petit, quelle ardente vénération je conçus dès le premier jour pour ma bienfaitrice. Quand nous nous donnons, nous autres, c'est pour la vie. Oui, tu dis bien, pour la vie, interrompt Joey en regardant Jean de Fer. Quelque temps après, continue la nourrice, je devins la femme du soldat indigène qui servait le capitaine Valdès. Ton père, mon José, un brave et loyal indien, qui aima son maître comme j'aimais ma maîtresse, c'est-à-dire jusqu'à la mort, puisqu'il périt en le défendant contre les Indiens bravos. Vous n'aviez pas 2 ans, toi et José. Nous nous enfuyons alors de Monterrey où nous avions vécu cachés pour éviter les vengeances, la honte des calomnies. Mais je m'égare. Il me faut revenir au fait si injuste et si cruel qui a pesé sur notre vie à tous d'une façon réellement atroce. J'ignore comment les choses se sont passées quand l'empereur fut livré pour de l'argent à son implacable ennemi, le dictateur Juarez. Tu sais que, vaincu, traqué de toutes parts, l'empereur s'était réfugié dans la citadelle de Querétaro, avec ses derniers fidèles. La place passait pour imprenable. Dans tous les cas, il était impossible de la réduire de longtemps par la force ou par la famine. C'est alors que Juarez résolut de s'en emparer à prix d'or, car avec le temps, Des secours allaient arriver et c'était, pour l'empereur, le salut. Parmi ces derniers défenseurs de Maximilien, il y avait un jeune Américain que l'empereur avait comblé de bienfaits. De son côté, il semblait tout dévoué à son maître et remplissait près de lui les fonctions d'officier d'ordonnance. Il témoignait d'autre part une vive amitié à ton père, qui d'ailleurs lui rendait toute sa sympathie. Cet Américain était un géant très brave, très froid, avec un je ne sais quoi d'inquiétant dans le regard. Nous habitions, ta mère et moi, une maisonnette abritée des projectiles, et ton père y conduisit quelquefois son camarade. Mais ta mère éprouvait pour cet homme une telle répulsion qu'il ne le ramena plus. Quant à moi, il me faisait peur. Eh bien, mes enfants, ce misérable s'aboucha avec l'ennemi. Il complota avec lui la trahison qui devait livrer la ville. Il fut comme la main droite de ce colonel Lopez, son complice, dont l'âme de fange valait la sienne, et tous deux partagèrent le prix du sang, le sang de l'empereur que le dictateur fit fusiller. « Oh, le bandit !» s'écrièrent d'une voix indignée les deux jeunes gens. « Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend ce crime plus révoltant, plus abominable encore s'il est possible, c'est que le traître, pour agir sans risque, pour éviter d'être plus tard inquiété ou même soupçonné, prit le nom d'un autre. « Sans Dieu, je comprends tout !» gronde Jean de Fer en serrant les poings. « Le nom sans tache de ton père !»« Oui !» Ce scélérat négocia, demanda de l'argent, livra le mot d'ordre, comme s'il eût été le capitaine Baldès lui-même. Oh, infamie! De telle façon que la flétrissure rejaillit sur ton malheureux père, lui qui resta, pour l'empereur, l'ami fidèle et dévoué de la dernière heure. Son nom, sais-tu son nom? Il s'appelait le capitaine Mike. Ça ne signifie rien. C'est un nom quelconque d'aventurier, de pirate. Il disparut le jour même où il livra la forteresse et où l'empereur se rendit au général Escolado. Il quitta son uniforme et partit déguisé en muletier avec deux bêtes de somme portant son or. Depuis ce temps, on ne l'a jamais revu. Il a dû regagner son pays. Puis cet or maudit lui avoir porté malheur. À moins qu'il n'ait été pour lui l'origine de quelque fortune scandaleuse, dit amèrement Jean de Fer. Qu'il soit millionnaire ou mendiant, je le reconnaîtrai comme au premier jour, malgré les 23 ans écoulés. Et alors, malheur à lui. Oh oui, malheur à lui. Et après, petite mère, interroge anxieusement le jeune homme. Nous réussîmes tous les quatre, ton père, ta mère, mon mari Benito et moi, à quitter Querétaro, mais en courant à chaque minute le danger de mort. Nous étions d'ailleurs sans aucune ressource. Ton père ayant offert à l'empereur toutes ses modestes économies de soldats. Il nous fallait travailler. Mais alors, chose navrante, toutes les portes se fermaient devant nous. Partout, on nous fuyait comme des pestiférés. On allait même, dès que ton père disait son nom, jusqu'à nous refuser asile. Chose inouïe au Mexique, ce pays par excellence de l'hospitalité. Et cette horreur nous était témoignée non seulement par les partisans de l'empereur, mais encore par ceux du dictateur. Il semblait que amis et ennemis nous confondaient dans une même exécration. Le capitaine voulut savoir. Il envoya mon mari, Benito, interroger de droite et de gauche les gens. Il apprit enfin l'affreuse vérité. La chute de Querétaro, la capture de l'empereur Maximilien, avait retenti comme un coup de tonnerre dans tout le pays. En 24 heures, on apprenait la nouvelle jusque dans les villages les plus éloignés. Mais en même temps aussi, l'abominable légende volait avec elle. Maximilien avait été livré à prix d'or par deux de ses officiers, le colonel Lopez et le capitaine Baldès. De telle sorte que l'immonde calomnie nous précédait et nous suivait. Bref, elle nous entourait et, pour ainsi dire, nous submergeait. En quelque endroit que nous allions, c'était une bordée de malédictions qui tombait sur le vrai coupable, ce Lopez, mais épargnait son complice, le capitaine Mike, pour accabler l'innocent, ton père. Dès lors, il fut forcé de changer de nom. Nous n'en végétâmes pas moins à Monterrey où vous vînt au monde tous les deux, mes chers enfants. Certes, votre naissance apporta un rayon de joie au milieu de nos misères, mais elle créa aussi de nouvelles obligations à ton père et à mon mari que la noire d'ébène poursuivait. Le capitaine essaya de tout, fit bravement tous les métiers pour mater l'adversité. Cela dura 18 mois. De guerre lasse, nous quittâmes Monterrey où la situation n'était plus tenable. Nous traversions le Bolson pour gagner les plateaux, et c'est là, près de la lagune de Tijuelilla, que succomba mon pauvre Benito dans une attaque des bravos. Nous arrivâmes ici, épuisés, désespérés. Une dernière ressource restait à ton père. Ce maître chercheur d'or. C'est une rude profession pleine de fatigue et de danger, mais il y a de l'or partout dans le Bolson. Au prix de travaux écrasants, il put enfin découvrir un petit pécule, de quoi subvenir pour quelque temps à nos besoins. Il entreprit alors un mystérieux voyage qui dura 3 longs mois. Il revint radieux. Pour la première fois, nous le vîmes sourire. C'est qu'il rapportait les preuves de son innocence, des papiers plus précieux qu'une fortune et qu'il mit en sûreté pour s'en servir au moment opportun. Puis, il nous disait, avec une sorte de gaieté nerveuse que nous ne lui connaissions pas, « À présent, je veux être riche. Oui, opulent jusqu'à l'absurdité, jusqu'au vertige, et cela ne tardera pas. Alors je m'en irai crier mon innocence, haut et ferme. Vous verrez, vous verrez. C'est l'affaire de 6 mois. Qui sait, peut-être moins. Et nous posséderons cette fortune que je veux avoir, que je sens venir. » Nous le regardions un peu effaré, craignant que la joie ne lui tournait la tête. Il sourit de nouveau et nous expliqua que pendant ses courses de chercheurs d'or, il avait eu connaissance du trésor des anciens rois aztèques. « Vous savez bien, mes enfants, la légende, la vieille chanson indienne du roi de l'or, du nid de l'aigle. »« Oui, je sais, » interrompt Jean de Fer tout désappointé. « Ce n'est hélas qu'une légende. »« Mais non, je t'assure. Et ton père prétendait, non sans raison, qu'avec de l'énergie, de la patience et un peu de bonheur, il pourrait trouver le trésor. »« Impossible, hélas, ma bonne Mamita, car je te le répète, ce n'est qu'une légende, bien attirante, mais aussi bien décevante. » Pauvre père, lui aussi a été victime du mirage qui a ébloui et perdu avant lui tant de chercheurs obscurs ou célèbres. Et combien de victimes, depuis un demi-siècle? Les Français Raoussé, Boulbon et Pindret, les Américains Harvey et Sherman, l'Allemand Blumenthal, l'Espagnol Casteres et tant d'autres qui sont morts à la peine. Mais nous-mêmes, n'avons-nous pas cru aussi au trésor, n'est-ce pas, frère? N'avons-nous pas cherché avec un acharnement furieux pendant des mois, risquant chaque jour notre peau, avec les Indiens sur le dos, les fauves à nos trousses, les reptiles autour de nous, puis la faim, la soif, le soleil, toutes les misères? Et si quelqu'un pouvait trouver, devait trouver, c'était nous, car nul ne connaît comme nous le désert. Or, si nous n'avons rien trouvé, c'est qu'il n'y avait rien, absolument rien. Eh bien, c'est ce qui te trempe, mon enfant, muchacho mio, reprend doucement la nourrice. Ton père chercha, il rencontra les mêmes périls et trouva le trésor. Hein? Tu dis, Mamita? S'écria Jean bouleversé. Oui, le trésor, immense, colossal, à faire perdre la tête. La légende n'était point trompeuse. Mais où? Dans le Bolson? Oui, dans le Bolson. De ses yeux brûlés par le soleil, il contempla un fabuleux entassement d'or et de pierreries. Il étreignit à corps perdu ses métaux et ses gemmes. Il se roula dessus, dansa, chanta, fit 1000 folies. Tel fut le récit qu'il nous fit, moribond hélas, et d'une voix râlante, qui nous fendait l'âme. Il avait tracé avec son sang, sur un mouchoir, un plan grossier mais fidèle, de la sierra où se trouve le trésor. Ayant pli de pierreries un petit sac qu'il portait à son cou, il revenait, ayant fait en certains endroits des marques. « Sais-tu quelle marque, petite mère ?»« Oui, son chiffre, un A et un V, ainsi collé, AV. »« Oui, je comprends. Mais je suis tellement étourdi par cette prodigieuse aventure que j'ose à peine y croire. » Les marques, nombreuses et profondément gravées sur les rochers, ont subsisté. Mais laisse-moi continuer. Ton père revenait épuisé, sans eau, sans farine, sans tassaro, à pied, en haillons, à bout de force. Son cheval était mort la veille. Peut-être allait-il succomber quand il rencontra un chercheur d'or. Selon la coutume du désert, l'étranger lui prodigua des soins, lui donna à boire et à manger, bref, le mit en état de continuer son voyage. Le hasard voulut que l'étranger suivît la même direction et naturellement ils firent route ensemble. Bien que ton père n'eût pas fait la moindre allusion au trésor, bien qu'il pesât chacune de ses paroles, et qu'il parut être d'ailleurs dans la plus profonde misère, l'autre sentait, devinait en lui le Gambusino, qui a trouvé le panier d'orange. Il l'observait sans relâche, provoquait ses confidences, voulait à toute force le faire parler, lui arracher un mot. Peine perdue. voyant l'inutilité de ses efforts, il mêla aux aliments ou à la boisson de ton père une drogue enivrante. À demi empoisonné, pris d'une fièvre intense, perdant la raison, ton père parla. Parla comme dans un rêve, sans pouvoir arrêter l'inconsciente envolée de ses paroles, sans même soupçonner qu'il commettait une mortelle imprudence. Il dut raconter tout, mourant sur le chemin perdu conduisant du désert à Rajalito. L'homme, l'inconnu, que nous sûmes depuis être Andrés Romero, lui avait enlevé ses pierreries, le mouchoir où était tracé le plan, et lui avait tiré un coup de carabine entre les deux épaules. Puis il s'était enfui, le croyant mort sur le champ. Ranimé par la fraîcheur du matin, ton malheureux père, par un prodige de vigueur et d'énergie, put se traîner jusqu'ici. Folle de douleur, ta mère le reçut agonisant dans ses bras. Elle voulait lui donner des soins, sonder la plaie, envoyer chercher des secours. Lui sentait bien qu'il était perdu. Il secoua doucement la tête, et crachant le sang à chaque mot, il balbutia d'une voix atone. « Non, chère femme, c'est inutile. Mes instants sont comptés. Je suis perdu. Apporte l'enfant. Notre Tonio, vite, vite !» Il le contempla longuement, avec une tendresse infinie, et reprit de cette voix qui nous brisait le cœur. « Cher petit, je n'aurai pas la joie suprême de te voir grandir, devenir un homme fort, un vaillant. Je te laisse un nom, sans tâche, mais lourd à porter, des infamies. Oh, chère femme, tu diras tout, moi je n'ai plus le temps. Mon innocence a leur prouvé à tous. Oui, quand tu seras homme, tu rempliras ce devoir sacré. Tu sauveras l'honneur du nom. Tu retrouveras ce trésor que je cherchais pour vous et qui me coûte la vie. Oui, tu le retrouveras, malgré le plan volé. Oh, j'aurai la force d'aller jusqu'au bout. » Il eut alors une syncope, et nous crûmes bien que c'en était fait. Nous réussîmes pourtant à le ranimer pour quelques heures encore. Il parla lentement, avec lucidité, et multiplia les indications insistant sur le nom de la Sierra où était caché le trésor. Il conservait l'espoir de ne pas l'avoir prononcé pendant son délire et voulait se prouver que l'assassin l'ignorait. Chose essentielle, car ce nom, avec les marques, complète le plan. C'est la Sierra del Palo qui se trouve, un hennissement sauvage, vibrant comme un coup de trompette, coupe la parole à la métisse. La nuit est venue pendant cet entretien si douloureux et si cher. Tous les trois se trouvent dans l'obscurité. Jean de Fer tressaille violemment et s'écrie « C'est Bob. Il évente quelqu'un. Son flair est infaillible, on nous écoute. » Mamita continue de parler. Il se déchausse vivement, ouvre doucement la porte et sort pieds nus le revolver à la main. Il avance quelques pas sans faire plus de bruit qu'un félin en marche et tâche de percer d'un regard les ténèbres. Il s'arrête un moment, se courbe, écoute, avance encore, et brusquement s'abat sur le sol, empêtré par une corde tendue à 20 centimètres de hauteur. Il pousse un juron. « Heldamit !» En même temps, un coup de feu éclate à 5 ou 6 mètres. La balle passe au-dessus de sa tête. Ébloui par la flamme, il aperçoit néanmoins contre la fenêtre un homme coiffé d'un sombrero et qui bondit vers la rue. D'instinct, il riposte par un coup de revolver et se dit « Une chute providentielle et qui me sauve la vie !» Mon brave Bob ne se trompait pas, on nous espionnait. Il s'allonge sur la terre, y colle son oreille et entend un bruit imperceptible pour tout autre qu'un demi-sauvage comme lui, celui produit par la course d'un homme pieds nus également et qui s'enfuit à toutes jambes, puis le galop d'un cheval. Il rentre à la maison et dit froidement « C'est un curieux qui est de trop dans le monde. Demain, nous prendrons sa piste, n'est-ce pas, Joey ? Et toi, petite mère chérie, continue, je t'en prie. » Habitué de longue date à ses alertes, ayant vécu depuis sa jeunesse dans une atmosphère saturée de poudre et de sang, pas plus troublé que s'il ne s'était rien passé, la nourrice ajoute « Ce qui me reste à dire, mon cher petit, est peut-être plus navrant encore. Ayant ainsi perdu ton malheureux père, ta mère avait reporté sur toi l'amour dont son cœur débordait. Ah, comme elle t'aimait! Non, je ne crois pas qu'il y ait au monde un enfant idolâtré comme toi. Et quelle tendresse infinie, avec un je ne sais quoi de craintif, de nerveux, de trop absolu. comme si elle eût craint d'en distraire ou d'en laisser perdre une parcelle. Tu étais son tout, son Dieu, sa vie. Et tu étais digne de cet amour. Car on ne vit jamais non plus d'enfant aussi délicieusement affectueux. Cela dura 2 ans. Puis de nouveau, le malheur s'abattit sur nous. Des saltadores étaient venus en grand nombre piller le pays. À cette époque troublée, les bandits pullulaient. Et il n'y avait nulle force armée pour les repousser. Ils envahirent Arrolito. Notre maison, où il n'y avait plus d'hommes, fut saccagée une des premières. Les derniers débris du luxe d'autrefois, quelques bijoux, des armes de prix, tout fut enlevé ou mutilé, jusqu'au grand portrait de ton père, qui fut stupidement haché à coups de sabre. Ta mère et moi, nous nous battîmes comme des lionnes qui défendent leurs petits. Nous tombâmes, accablés par le nombre. Quand nous revînmes à nous, je trouvai José blotti sous un meuble, mais tu avais disparu, volé par les brigands. Ne te voyant plus, reconnaissant l'inutilité de ses recherches, ta mère devint en quelques heures d'une pâleur de cire, comme si elle eût été frappée mortellement. Je la mis au lit, et elle alla se coucher sans maudire, sans pleurer, sans me voir, comme si sa pensée était morte. Le lendemain, j'eus peine à la reconnaître. Sur cette tête ravagée, les cheveux avaient blanchi en une nuit. Elle vécut ainsi dans une sorte d'inconscience douloureuse pendant des mois. Puis elle s'éteignit doucement entre mes bras, en prononçant ton nom, et je restai seul, avec mon José, pour vous pleurer tous les trois. Mais Dieu merci, tu m'es rendu, et je vous garde, toi et José, mes deux fils bien-aimés. Nous ne nous quitterons plus jamais, n'est-ce pas? Oh non, jamais. Alors, le jeune homme, les yeux pleins de larmes, lui répond d'une voix brisée qu'il essaye d'affermir. Près de toi, petite mère chérie, oui, ce serait le bonheur. Mais plus tard. Demain, au lever du soleil, je pars. Je vais où le devoir m'appelle. Venger l'honneur de mon nom. Ainsi s'achève la première partie de Fiancée mexicaine par Louis Bousnard.